Alors, nous en sommes à peu près à la moitié, mais comme ce n'est pas un processus linéaire, la moitié n'existe pas vraiment. Disons que nous sommes à la moitié du programme. Vous avez donc commencé à travailler avec les différents exercices, et certains vous sont agréables et très bénéfiques. Et tenir un journal vous serait peut-être utile. Vous avez peut-être même envie de partager avec des amis. Et puis, vous devez faire le point sur ce que vous avez tiré de ces exercices, à quel point ils ont été utiles, ce qui vous manque encore, ou si un exercice était trop difficile. Qu'est-ce qui était difficile? Comment était-ce difficile? Est-ce que vous pourriez utiliser quelque chose d'un autre exercice plus facile pour vous aider à faire cet exercice difficile? Vous pouvez jouer avec tous ces éléments. Si un exercice est difficile, c'est peut-être parce qu'il fait remonter des éléments qui vous bouleversent ou qui sont nouveaux. Et très souvent, recommencer un exercice qui vous a vraiment aidé à vous sentir plus centré, plus enraciné, vous permettra ensuite de revenir à l'exercice plus difficile. Vous n'avez pas à les faire dans l'ordre des numéros, mais dans l'ordre qui vous convient, en fonction de votre avancée dans ces exercices. Prenez le temps nécessaire, faites ça doucement, sans urgence, la vie ne s'en va pas, elle vous attend.